La Belle à la Rose par Frédéric Boutet. Dans la chambre d'hôte élégante et banale, Madame Ferligny achevait sa toilette. À Paris, toujours reprise d'un inoffensif petit sourire de coquetterie, elle apprêtait son visage avec plus de soin et cela lui prenait un peu de temps. Par extraordinaire, ce matin-là, M. Ferligny ne faisait pas de l'esprit sur la lenteur féminine. Déjà prêt, debout devant une des fenêtres, il lisait les lettres qu'on venait de lui monter. Avec importance, il renseignait sa femme. D'abord, du château. Augustin m'écrit que tout va bien depuis notre départ. Ah, les Imbert nous invitent à dîner pour vendredi. Ils ne sont pas trop pressés. Depuis 15 jours que nous sommes à Paris. Ça, c'est de la part de Vermejou, que j'ai rencontré. Il nous envoie 2 invitations pour l'exposition Claude Versande, qui ouvre aujourd'hui. Voilà le catalogue. Sa femme gardait le silence. Il reprit. « Tu te souviens de Claude Versande, naturellement. Versande, le peintre illustre, qui est mort il y a 5 ou 6 ans. Eh bien voyons, Madeleine, tu n'as pas l'air de te souvenir. Nous l'avons très bien connu. C'est même chez ta tante de Brel, où il venait souvent, que nous l'avons rencontré. C'était vers 1903 ou 4, au moment où nous avons habité Paris. Versande est même venu à la maison. » « Non, je ne crois pas, » murmure Madame Ferligny, qui, penchée vers la glace, poudrait son visage un peu flétri, encore joli et dont les joues étaient animées. « Si, si, » insista Ferligny avec autorité, « il est venu, je te dis. Quand on a été l'ami d'un artiste aussi célèbre, aussi admirable, on n'a pas le droit de l'oublier, que diable. Il est venu à la maison. Je me souviens que je venais de faire mon voyage au Brésil et que je l'ai beaucoup intéressé en lui en parlant. Bref, on a fait une exposition de ses tableaux. Il y a des toiles qui viennent de collections particulières et qui ont été prêtées. C'est une réunion de chefs-d'œuvre. Il y a surtout sa toile fameuse, La Belle à la Rose, qui a fait sensation au salon dans le temps. C'était avant mon retour en France. Je ne l'ai donc pas vue. Moi non plus, je crois. Du moins, je n'en ai pas souvenir. Si tu l'avais vue, tu t'en souviendrais. C'est une merveille, paraît-il. Le catalogue l'a décrit. Une femme nue, debout, la tête détournée, respirant une grosse rose qu'elle tient devant son visage. C'est un chef-d'œuvre, une toile sans prix. Nous allons ce tantôt aller à cette exposition. Personne n'a été de nos amis. Je m'intéresse beaucoup à l'art, et puis, ce ne serait vraiment pas la peine de faire les frais de venir tous les ans, passer un mois à Paris, pour ne pas se tenir au courant. Nous irons si tu veux, dit Madame Ferligny, toujours tournée vers la glace. Elle se sentait encore rouge et émue. La Belle à la Rose, c'était elle. 15 ans avant, elle avait été, son mari voyageant, la maîtresse de Claude Versande, encore jeune, élégant, séduisant, fantasque, illustre. Elle n'avait même pas songé qu'elle pût lui résister quand, à leur seconde rencontre chez Madame de Brel, il avait parlé avec une douceur impérieuse. Elle était venue et elle avait cédé. Puis, elle avait posé pour lui parce qu'il le voulait. Honteuse d'abord de se trouver nue dans ce grand atelier et devant cet homme dont les yeux, devenus sans amour, la jugeaient. Puis, folle d'orgueil quand il lui avait dit qu'elle était parfaitement belle, quand il avait, jour après jour, produit le chef-d'œuvre qui était elle-même, exactement elle-même, sauf le visage modifié, caché à demi par la fleur. 6 mois, elle avait vécu ainsi avec des émotions, des plaisirs, des sensations qu'elle ne soupçonnait pas. Puis, personne s'était détaché d'elle assez brusquement, pris sans doute par une autre. Le tableau était fini. Ferligny était de retour, toujours important et brave homme. Comme si elle se fût éveillée d'un rêve, elle était redevenue la femme timide et sage qu'elle était avant, et qu'elle n'avait plus cessé d'être. Le rideau était tombé sur la féerie finie, elle en gardait un souvenir émerveillé et effarouché. Admirable, prononça Ferligny. Après avoir contemplé en silence pendant plusieurs minutes La Belle à la Rose. C'est admirable, définitif. C'est le chef-d'œuvre de Claude Versande. Quand je lui ai dit il y a 15 ans, Versande, La Belle à la Rose est votre chef-d'œuvre, et il doutait. Eh bien, j'avais raison. Au milieu du groupe nombreux qui se pressait devant la toile fameuse, il parlait haut, avec autorité. On se tournait vers lui, il était ravi. Il continua, feignant une intimité avec l'artiste disparu. Madame Ferligny ne disait rien. Elle regardait, elle se regardait. L'admiration de la foule qui montait vers la belle à la rose l'enveloppait. C'était elle qu'on admirait. C'était elle qui était là, nue, si belle. Elle se sentit rougir un peu. Elle était éperdue d'orgueil. Quand Ferligny eut assez discouru, il lui prit le bras et ils sortirent du groupe. « C'est un admirable chef-d'œuvre, » dit-il encore. Puis plus bas. « Seulement, c'est malheureux que ce soit truqué. »« Comment truqué ?» dit sa femme en tressaillant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire ce qui est. Que veux-tu ? J'aime la vérité. C'est très beau, mais c'est trop beau. Ce n'est pas réel. Jamais une femme n'a eu cette perfection de beauté. Des créatures semblables, ça n'existe pas. Versant d'arranger à idéaliser. Pour peindre cette femme, il a dû prendre plusieurs modèles. L'une a posé le torse, une autre les jambes, une autre les bras, et puis il a fondu l'ensemble. » Madame Ferligny était pâle. Elle répondit aussi calmement qu'il lui fut possible. « Je ne suis pas de ton avis. C'est l'évidence que la même femme a posée pour l'ensemble. » Son mari haussa les épaules. « Ma chère amie, permets-moi de te dire que je m'y connais mieux que toi. J'ai beaucoup fréquenté les ateliers. Je sais comment les peintres travaillent. Et je te le répète, il est impossible que la réalité offre une telle perfection. Pourquoi ? Si personne n'a peint cette perfection, c'est qu'il l'a vue. » Ferligny eut un sourire supérieur. « Voyons, Madeleine, ne t'entête pas. Je puis te dire que je connus un des modèles de Versande, celle qui a posé le torse de la belle à la rose, justement. Eh bien, elle avait des jambes en poteau. » Madame Ferligny le regarda. Mentait-il pour avoir raison quand même ? Elle le ramena devant la belle à la rose. Il recommença à parler haut de voix de Bersande. Elle ne l'écoutait pas. Elle regardait la figure nue. Elle pensait à son corps à elle. Non pas tel qu'il était maintenant, mais tel qu'il était dans la svelte splendeur de la jeunesse, quand elle avait 25 ans, quand Bersande était son amant, et faisait d'après elle son chef-d'œuvre. D'après elle seule. Voyons, elle posait presque chaque jour, elle se serait bien aperçue. Et de nouveau, elle cherchait à se souvenir des formes de son corps, à les confronter avec les formes sans défaut de celle qui était là, nue, si belle. Mais il y avait longtemps, elle ne savait plus. Avait-il raison, cet imbécile qui insultait de son incrédulité suffisante sa beauté passée qu'il n'avait pas su voir ? Elle doutait, frémissante, prête à sangloter, prête à crier, que ce n'était pas vrai, que c'était elle, et elle seule. Mais Ferligny lui reprit le bras. 6 heures sonnaient. C'était ridicule, voyons, de s'attarder ainsi. Les Bubal les attendaient pour aller dîner au bois. Elle le suivit, retournant la tête pour voir une fois encore la belle à la rose qu'elle ne verrait plus, qu'elle n'était plus, si même jamais elle l'avait été. C'était « La belle à la rose » par Frédéric Boutet.